Ejiaj, Ben Joseph, Al-Takefi, un des plus vaillants à la guerre, et plus éloquent capitaine qu'a eu les Arabes au temps du calife. Abd al-Malek, cinquième calife des Omiyades, le fit gouverneur de l'Arabie et de l'Irak arabique, après qu'il eut défait Abdallah ben Zubair qui s'était donné le titre de calife. Un jour qu'Ejiaj se promenait à la campagne, il fit la rencontre d'un arabe du désert qui ne le connaissait pas, et lui demanda « Quel homme était cet Ejiaj dont on parlait tant ?» L'arabe lui répondit que c'était un méchant homme. Ejiaj lui dit « Eh bien apprends que c'est à Ejiaj même à qui tu parles. » Sans témoigner aucun étonnement, l'arabe lui dit « Et vous, savez-vous que je suis ?»« Non, » répliqua Ejiaj. « Je suis de la maison de Zubair, celle qui fut renversée par Ejiaj, dont tous les descendants deviennent fous 3 jours de l'année, et cette journée-ci est l'une des 3, » lui dit l'arabe. Ejiaj ne put s'empêcher de rire et d'admirer une défaite aussi ingénieuse que celle-ci. Même encore extrêmement sévère, qu'il passait pour cruel, on dit qu'il avait fait mourir 120 000 personnes, et que lorsqu'il mourut, il y en avait 50 000 dans ses prisons. Cependant, il fit grâce à cet arabe dont il estima l'esprit courageux. Voici une autre rencontre dans laquelle Ejiaj fit connaître son caractère. Ayant fait prisonnier plusieurs officiers dans la bataille qu'il gagna en Arabie sur Abd al-Rahman, qui s'était révolté contre le calife Abd al-Malek, il résolut de les faire tous couper la tête. Un de ces prisonniers, qu'on allait exécuter, s'écria qu'il avait une justice à demander à Ejiaj. Bien surpris de ce discours, Ejiaj demanda à cet homme ce qu'il voulait. « C'est qu'un jour, dit le prisonnier, notre général Abd al-Rahman s'était emporté en parole contre vous, et je lui ai dit qu'il avait tort. » Sur ce Ejiaj demanda au prisonnier s'il avait quelques témoins de son action. « Oui, lui répondit le prisonnier, en montrant un de ses camarades voués aussi à la mort, qui avait été témoin. » Ejiaj ayant appris la vérité du fait, dit au témoin. « Et toi, pourquoi n'en fis-tu pas autant que ton camarade ?»« Je ne l'ai pas fait, » répondit fièrement cet homme intrépide, « parce que vous étiez mon ennemi. » Ejiaj leur laissa la vie à tous les deux. À l'un pour reconnaître l'obligation qu'il avait eue, et l'autre parce qu'il avait si franchement avoué la vérité, avec tant de courage. Quelques incidents pleins des violences qu'Ejiaj exerçait contre ses sujets, et lui avait mis la crainte de Dieu devant les yeux. Ejiaj monta aussitôt sur la tribune à ranguer le peuple, et leur dit avec son éloquence ordinaire, « Maintenant que Dieu m'a donné puissance sur vous, et que je l'exerce avec quelque sévérité, ne croyez pas qu'après ma mort vous ayez meilleur marché. Car de la manière que vous vivez, vous serez toujours maltraités. Dieu a beaucoup de serviteurs, et quand je serai mort, il vous en enverra un autre qui exécutera ses ordres contre vous, peut-être encore avec plus de rigueur. Voulez-vous que le prince soit doux et modéré? Exercez entre vous la justice et obéissez à ses ordres. Souvenez-vous que vos écarts sont le principe et la cause du bon ou du mauvais traitement que vous recevez de lui. Le prince peut être comparé justement à la glace d'un miroir. Tout ce que vous voyez dans cette glace n'est qu'un renvoi des objets que vous lui présentez. L'histoire qui suit est rapportée dans le Bariston de Ghiami. Ejiaj étant à la chasse, s'éloigna de ses gens et se trouva seul et fort altéré, en un lieu écarté, où un arabe faisait paître ses chameaux. Aussitôt qu'il parut, les chameaux s'effarouchèrent, ce qui obligea l'arabe, attentif à autre chose, de lever la tête tout en colère, et de dire « Qui est cet homme avec ses beaux habits, qui vient dans le désert effaroucher mes chameaux ? La malédiction de Dieu puisse tomber sur lui. » Ejiaj, sans s'arrêter à ses paroles, s'approcha de l'arabe, et le salua fort civilement, en lui souhaitant la paix. Mais celui-ci, au lieu de lui rendre le salut, repartit brusquement qu'il ne lui souhaitait ni la paix, ni aucune bénédiction de Dieu. Ejiaj fit semblant de ne pas l'entendre, et lui demanda fort humblement, de l'eau à boire. L'arabe lui dit, « Eh bien, si vous voulez boire, prenez la peine de vous baisser et d'en puiser vous-même, car je ne suis ni votre camarade, ni votre serviteur. » Ejiaj obéit à l'arabe. et après avoir bu, lui fit cette demande. « Qui croyez-vous être le plus grand et le plus excellent de tous les hommes ?»« C'est le prophète envoyé de Dieu. Dussiez-vous en crever de dépit ?» lui répliqua l'arabe. « Et que dites-vous d'Ali ?» ajouta Hijyaj. « On ne peut assez exprimer de bouche, son excellence. » répondit l'arabe. Continuant son discours, Hijyaj lui demanda ce qu'il pensait d'Abd al-Malek, fils de Mervan, calife qui régna alors, duquel Hijyaj était lieutenant général et gouverneur presque absolu dans l'Irak arabique. L'arabe ne répondit rien d'abord, mais étant pressé, il osa dire qu'il le regardait comme un mauvais prince. « Et pourquoi ?» dit Hijyaj. « C'est parce qu'il nous a envoyés pour gouverneur le plus méchant qui soit sous le ciel. » Sachant que l'arabe parlait de lui, Hijyaj ne lui dit plus rien. Il arriva qu'un oiseau, volant dessus leur tête, fit un certain cri. L'arabe n'eut pas plus tôt entendu, qu'il regarda fixement Hijyaj, et lui demanda qui il était. Il sera bon de remarquer au sujet de cet oiseau qui se fait entendre à l'homme, qu'il y a parmi les peuples de l'Arabie, des gens qui prétendent savoir le langage des oiseaux. Ils disent que cette science leur est connue depuis le temps de Salomon et de la reine de Saba, lesquels avaient un oiseau nommé Uduwip, pour messager de leurs amours. Hijyaj lui demanda pourquoi cette question. C'est parce que cet oiseau qui vient de passer, dit l'arabe, me dit qu'il y a près d'ici une troupe de gens, et que vous pourriez bien en être le chef. L'arabe n'eut pas sitôt dit ces mots, que les gens d'Hijyaj arrivèrent. Ils reçurent l'ordre d'emmener l'arabe avec eux. Le lendemain, Hijyaj le fit appeler, il le fit asseoir à sa table et lui commanda à manger. L'arabe fit sa bénédiction ordinaire avant de commencer à manger, et dit, « Dieu veuille que la fin du repas soit aussi heureuse que l'entrée. » Pendant le repas, Hijyaj lui demanda s'il se souvenait des paroles qu'ils avaient tenues ensemble, le jour précédent. L'arabe lui répondit aussitôt, « Dieu vous fasse prospérer en toutes choses. Quant au secret d'hier, gardez-vous bien de le divulguer aujourd'hui. » « Je le veux bien, » dit Hijyaj. « Mais il faut que vous choisissiez l'un de ces deux partis. Ou me reconnaître pour votre maître, et je vous retiendrai à mon service. Ou être envoyé à Abd al-Malek, auquel je ferai savoir tout ce que vous avez dit de lui. » L'arabe répondit aussitôt, « Il y a un troisième parti que vous pourriez prendre, et qui me paraît beaucoup meilleur. » « Et quel est-il ? » insista Hijyaj. « Ce serait de me renvoyer chez moi, et que nous ne nous voyons plus jamais. » Ni l'un ni l'autre, dit l'arabe. Et Hijyaj, tout farouche qu'il était, prit plaisir aux réponses pleines d'esprit de cet homme. Il lui fit donner 1000 drachmes d'argent, et le renvoya chez lui comme il le souhaitait. L'historien Sadi rapporte qu'Hijyaj s'était recommandé aux prières d'un religieux musulman, qui pria aussitôt, qu'il plût à Dieu de le faire mourir promptement. Parce que, dit-il, rien ne pouvait arriver de plus avantageux pour lui et pour les peuples. Mirkon écrit qu'Hijyaj, qui était alité de sa dernière maladie, consulta son astrologue pour savoir s'il ne trouvait pas dans son astrolabe quelque grand capitaine qui dut bientôt finir ses jours. L'astrologue lui répondit qu'un grand seigneur nommé Kholeb était menacé de mourir bientôt, suivant ses observations. Et Hijyaj dit, voilà justement le nom que ma mère me donnait lorsque j'étais encore enfant. L'astrologue, aussi habile dans son arc imprudent, s'exclama brusquement. C'est donc vous qui devez mourir. Vous n'avez pas lieu d'en douter. Offensé, Hijyaj dit aussitôt à l'astrologue. Puisque je dois mourir, puisque vous êtes habile dans vos prédictions, je veux vous envoyer devant moi en l'autre monde. Et on se dépêcha quand il donna cet ordre. Le même auteur met la mort d'Hijyaj en l'an 95 de l'Hégire, alors âgé de 54 ans. Et dit sur lui qu'il naquit fermé par en bas, et qu'on l'ouvrit avec des instruments. Joubert, le célèbre docteur de Goufa, surnommé Assadi, disciple d'Ebn Abbas et Ebn Omar, fut mis à mort par Hijyaj en l'an 95 de l'Hégire. Hijyaj entendit alors une voix lui dit en songe, qu'il souffrirait la mort pour chaque homme qu'il avait fait mourir, et qu'il souffrirait, 70 fois plus, pour celle d'Assadi.